On va parler des castors de Dolbeau. Ça va bien pour les castors. C'est pas mal le fun. On en parle avec l'instructeur-chef de Daniel Tremblay. C'est Daniel? Salut, hey, Danny. Ça va bien? Daniel, j'ai fait parce qu'on a une chronique aussi du hockey mineur de Dolbeau, Mississigny, avec Danny Lavoie. Puis on parlait des castors. Puis je disais à juste titre à Danny, puis ça fait longtemps que les castors vont aussi bien. Je pense que la dernière fois, ça remonte au frère Martin. C'est le fun, non? Oui, effectivement, ça fait un petit bout que ça n'a pas bien été de même avec les castors. C'est très encourageant. C'est encourageant pour les jeunes. C'est encourageant pour les parents qui paient pour ces jeunes-là. C'est encourageant pour les spectateurs qui viennent à nos matchs. Écoute, on va profiter du moment présent. OK. Donc, deux matchs la semaine passée, si on parlait des deux victoires. Écoute, la première victoire... samedi après-midi, ouais, contre les Vikings de Bécomo, 9-3. Okay. Disons que le pointage n'indique pas à 100% l'allure du match parce que, on a fini la première période à 4-1, on a fini la deuxième période à 5-3. Puis là, en troisième période, on a explosé pour 4 buts. Ça a quand même été un match qui a été... Bécomo ont quand même une bonne équipe. C'est un match qui a été amplement disputé. Puis les jeunes ont suivi à la lettre le plan de match. Ils ont respecté les consignes et se sont donnés corps et âme. Ça a donné le résultat qu'on connaît. Ouais. Est-ce que Bécomo, une équipe? Parce que l'année passée, j'avais su qu'il était très, très physique. Est-ce que c'est un peu la même chose cette année? Oui, ça a été un peu la même chose. Eux, le nouveau règlement au niveau du contact physique, je ne sais pas comment ce qu'ils devaient interpréter, mais... je veux dire qu'on s'est fait brasser pas mal, sauf que les arbitres ont été excellents. Puis on a pu profiter de notre supériorité numérique. Puis on a capitalisé à plusieurs reprises en jeu de puissance. OK. Et si on parlait maintenant de l'autre match, autre victoire des Castors? Oui, le deuxième match samedi soir s'est soldé par une victoire de 5-1. Cette fois-ci, on a davantage dominé, même si le score est un peu moins gros, on a davantage dominé la partie. Les joueurs se sont extrêmement impliqués. On était toujours les premiers sur la rondelle. C'était d'ailleurs une des premières consignes parce que Bécomo avait parti le matin de chez eux. Il y avait la route dans le corps, il avait perdu par un gros score l'après-midi. Donc, il fallait sortir très, très fort pour le deuxième match. C'est ce que les joueurs ont fait. Puis ça a payé. Okay. David Boudreau, dans la chronique du Marcos Pub, disait cette semaine comment que c'est important les points francs-jeu. Il dit que ça va être serré cette année au classement. Et moi, les points francs-jeu, je les veux. J'imagine, tu es d'accord avec ce que David disait? 100% d'accord avec ce que David dit. David très bien. Écoute, jusqu'à date, nous, on a perdu un franc-jeu en 4 parties, puis je trouve ça bien désolant. Okay. Mes quarts, ça fait partie de la game, puis mais les joueurs sont avertis match après match, quasiment présence par présence, que des pénalités stupides et inutiles, des pénalités peut-être d'inconduite, j'en veux pas, des pénalités de coups de bâton, j'en veux pas. C'est clair, si t'es pas capable de rattraper le joueur, c'est parce que t'as pas assez forcé, fait que patine. Pour les néophytes comme moi, là, ça prend quoi pour perdre un point franc-jeu? Ça prend plus que 20 minutes de pénalité dans le match. OK. Là. Oui. À la 21e minute de pénalité, on perd le franc-jeu. Fait que, mettons que tu as deux majeurs, tu as déjà 10 minutes de ramasser. S'il y a un combat ou un jeune pogne une inconduite de partie, ça vient de sauter. OK. Donc, c'est vraiment, on a le droit, mettons, à 10 pénalités mineures dans le match. Mais tu sais, dans du jeu physique comme le midget, 10 pénalités mineures, ça monte assez vite. Puis là, avec la nouvelle réglementation, les joueurs ne savent pas trop, j'imagine, comment faire. Il y a toute une acclimatation à faire. Ça aussi, ça doit rentrer en ligne de compte, là. Ben, effectivement, mais je dois te dire que nous, on a travaillé très fort en début de saison. Okay. Sur la façon justement de faire le contact physique. Puis les jeunes le réalisent très bien. Puis on n'a pas, je crois qu'on a une seule pénalité depuis par rapport à la mise en échec. Ah, OK. Bon, en fin de semaine. Oui. En fin de semaine, on joue une seule partie dimanche soir contre les Athlons d'Alma à Rulbeau à 19h. Okay. Donc, mardi, on a commencé à préparer notre troupe pour cet affrontement-là. Même chose ce soir. Puis, les gars vont être prêts. Il n'y a pas de doute. Les Athlons, je regarde le classement, ils sont troisième. Vous êtes deuxième. Déjà, avec le même nombre de points, j'imagine que déjà ça... On doit faire attention, puis vraiment, même si on est en début de saison, c'est quand même un match important, déjà. Très, très important. Ça fait plusieurs années qu'on navigue dans les bas-fonds. Là, j'ai bien l'intention qu'on va naviguer la tête sortie de l'eau tout l'hiver. Ben, les gars, on s'en reparle le jeudi prochain, même poste dans le cadre de la chronique. Merci beaucoup, Daniel. Voilà, donc c'est Daniel Tremblay, instructeur-chef des Castors de Delbault.